Zacharie chapitre 5. Puis je me retournai, et levai mes yeux pour regarder, et voici un rouleau volant. Alors il me dit, « Que vois-tu ? » Et je répondis, « Je vois un rouleau volant, dont la longueur est de 20 coudées, et sa largeur de 10 coudées. » Et il me dit, « C'est là l'exécration du serment, qui sort sur le dessus de toute la terre, car quiconque d'entre ce peuple s'y dérobe, sera puni comme elle, et quiconque d'entre ce peuple s'y jure, sera puni comme elle. Je déploierai cette exécration, dit l'Éternel des armées, et elle entrera dans la maison du larron, et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, et elle logera au milieu de leur maison, et la consumera avec son bois et ses pierres. Et l'ange qui parlait avec moi, sortit, et me dit, lève maintenant tes yeux, et regarde ce qui sort. Et je dis, qu'est-ce ? Et il répondit, c'est un épha qui sort dehors. Puis il dit, c'est l'œil que j'ai sur eux par toute la terre. Et voici, on portait une masse de plomb, et une femme était assise au milieu de l'épha. Et il dit, c'est là la méchanceté. Puis il la jeta au milieu de l'épha, et mit la masse de plomb sur son ouverture. Puis levant mes yeux, je regardai, et voici deux femmes qui sortaient, et le vent soufflait dans leurs ailes, or elles avaient des ailes comme les ailes d'une cigogne, et elles enlevèrent l'épha entre la terre et les cieux. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'épha? Et il me répondit, c'est pour lui bâtir une maison au pays de Sinar, laquelle étant établie, il sera la poser sur sa base.